Regardez cet évangile qui est différent des autres. Vous savez que chaque évangile a une idée différente pour nous présenter Jésus. C'est quatre biographies. Il y a des théologiens qui me rapportent, j'utilise le mot. C'est des biographies de Jésus. On raconte sa vie, des biographies qui ont mis plus d'emphase sur certaines choses, d'autres n'ont mis moins. Et certaines biographies ont pris un angle, comme l'Évangile de Jean a pris un angle pour la divinité de Jésus-Christ. Et il ne raconte même pas sa naissance physique. Il ne parle pas de Marie, il ne parle pas de Joseph, il n'en parle même pas. Il parle, le Logos s'est fait chair, puis il part. Donc, Luc, lui, qui est l'historien qu'on a vu ensemble, parler beaucoup de détails, il y a plus de 3-4 chapitres, parler de sa naissance. Donc, c'est pour lui, c'était des faits, des données, des places, de la géographie, très, très, très historien dans ce qu'il a présenté. Et ce matin, nous allons, en étudiant Matthieu, prendre un autre angle pour étudier le même personnage, le personnage de Jésus. Et Dieu voulait, si c'est mon dernier livre avec vous, avant que je parte, je suis bien content de finir avec un évangile, parce que je vais vous parler de celui que j'aime le plus au monde, Jésus. Ça a influencé ma décision de prendre un évangile. Les épîtres, c'est plutôt, ça s'adresse à nous, ça s'adresse à l'Église pour corriger certains problèmes dans l'Église. Vu que vous êtes une Église parfaite, pasteur, fait que je vais vous parler de Jésus à la place. Là, j'ai vu des faces qui me disent que vous ne m'avez pas cru. Bon. Si je vous donnais le choix ce matin de vivre dans une monarchie ou de vivre dans la démocratie, quelle est votre décision première, impulsive, instinctive? Qu'est-ce que vous choisiriez? Est-ce que vous désireriez dire, nous allons mettre un homme en place sur le pays du Canada? Un homme va diriger le pays, va avoir le droit de vie ou de mort sur le peuple canadien. Ou bien non, si vous allez dire, non, on veut de la démocratie, parce que si ces hommes-là qui sont en place, ces femmes-là qui sont en place, ne sont pas correctes, nous, on va les enlever de là. On va en mettre d'autres en place. Notre tendance, à cause de notre culture, à cause de notre arrière-plan social, familial, culturel, nous avons tendance, nous préférons la démocratie à la monarchie. On aime mieux vivre au Canada que de vivre à Cuba, où il y a un homme qui décide certaines choses. Et je n'ai jamais vécu sur une monarchie humaine, parce que au Canada, j'ai toujours vécu sur la démocratie, depuis que je suis au monde. Mais ce que je vois dans l'histoire, ce que je vois dans les films, c'est pas toujours vrai, mais ce qu'on voit dans les films, c'est souvent inspiré de faits, vécu, d'histoire, la monarchie, c'était pas toujours quelque chose de très positif. D'hommes qui abusaient, d'hommes qui détruisaient, qui tuaient, qui volaient, qui violaient. Et je ne suis pas surpris parce que Dieu a dit à Samuel, quand ils ont mis leur premier roi sur Israël, Saül, il dit, vous allez en baver un coup parce que vous avez des monarques maintenant. Oh, je ne suis pas vous dire bien personnellement, je ne pense pas qu'on en bave moins sur la démocratie. Et à cause de cela, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, à cause de cela qu'on a été élevé dans la démocratie, c'est difficile pour nous d'accepter la monarchie de Dieu. On lutte avec le fait que Dieu a tous les doigts sur nous. Parce qu'on n'a pas été élevé là-dedans. On a été élevé qu'on pouvait faire au gouvernement. On a été élevé comme ça. Sans qu'il n'y ait aucune conséquence sociale. On peut s'élever dans la télévision, puis baver le gouvernement, puis l'insulter, puis rire de lui, puis se moquer de lui, puis le diffamer, puis personne ne va faire rien. Dans une monarchie, tu es mort après la deuxième ligne. Tu n'as pas le droit. Si tu le fais, tu le fais à ta chachette en noirceur, pour personne, tu n'entends, puis tu ne l'es pas à personne, ce que je vais te dire sur le roi. Ils avaient des certains exemples dans l'Ancien Testament, hein, où est-ce que certains hommes se sont levés contre la monarchie, où ils ont devenu anarchiques, c'est ce que ça veut dire, le mot anarchique, hein, se sont levés, et qu'est-ce qui arrivait? Ils étaient là, tout de suite, c'était fini. Ils n'ont pas de questions? On lui coupait le cou, on posait des questions. Et avec Dieu, à cause que Dieu, lui, on va voir dans l'Évangile de Matthieu, l'établissement du royaume de Dieu. Dieu va mettre un roi. Un nouveau royaume avec un roi dedans. Il va installer une monarchie. Et nous autres, on a de la misère avec ça. Donc, il va y avoir une lutte dans notre vie personnelle entre le fait de dire à Dieu, tu as tous les droits sur moi et je dois accepter ça avec joie et non pas me soumettre avec résignation à la monarchie. Une fois, j'étais dans un conseil d'église puis les chrétiens parlaient qu'ils se soumettaient à l'autorité. Se soumettait à l'autorité. J'ai dit, ouais. J'ai dit, payez-vous vos impôts avec joie. Ils ont tout mis à faire ce langue d'horreur. C'était plutôt de la. On est obligé, il faut bien. Ils n'étaient pas bien, bien heureux de faire ça. Ils se soumettaient en grinchant des dents. Et ça, ce n'est pas de la soumission, c'est de la résignation. C'est de la résignation. On a de la misère parce que c'est contre notre nature humaine, pécheresse. Notre nature humaine pécheresse ne veut pas de monarque. Elle ne veut pas de roi. Elle ne veut pas de Dieu. Notre nature pécheresse veut quoi? Je suis Dieu et je suis roi de ma vie. Je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux. C'est moi le boss. Mais quand on s'est repenti, on a dit quoi? Ce n'est plus nous le boss, c'est toi le boss. Si vous ne l'avez pas dit, ben, vous n'êtes pas chrétien. C'est ce que je vous dis maintenant. Si vous n'avez pas dit ça à Dieu, maintenant c'est toi le boss. C'est toi qui dirige ma vie. Tu n'es juste pas un chrétien. Tu avais beau te dire que tu en as un, mais tu n'en es pas un. Parce que la repentance, c'est ça que ça veut dire. La repentance, ce n'est pas que je regrette d'avoir volé 5 piastres à ma mère quand j'étais petit. Non, non. La repentance, c'est que je établis Dieu sur le trône et moi, je débarque du trône et je suis maintenant son serviteur. Donc, quand on va regarder ça ensemble dans l'Évangile de Matthieu, Matthieu va nous présenter Jésus comme le roi qui devait venir, le Messie qui vient établir le royaume de Dieu. Et on va étudier ensemble, quand on arrive dans Matthieu 6, chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Chercher à être dirigé par Dieu. C'est ce que ça veut dire. C'est pas là, chercher d'abord le ciel, ou ce que Dieu va vous dire, ce que vous voulez. C'est pas ça que ça parle. Le royaume, c'est établissez Dieu sur vous comme un roi. Et lui, il va venir vous conduire avec justice. Vous savez, c'est ce que nous allons voir ensemble. C'est ce que nous allons étudier ensemble pendant les semaines qui vont venir, les mois. D'apprendre à vivre dans une monarchie. D'apprendre à vivre en tant que chrétien. Je me lève le matin, je suis dans une monarchie. Mon roi, qu'est-ce qui s'attend de moi ce matin? Qu'est-ce que je peux faire pour servir mon roi aujourd'hui? Je suis dans une monarchie. Ça veut dire que je m'en vais et c'est plus moi qui dirige ma vie. Il y a un monarque qui a établi des règles. C'est ce qu'on va voir ensemble dans Sermon sur la montagne, où ce que Jésus va donner les règles qui vont gérer son royaume. Il va établir de nouvelles règles qui vont gérer le royaume de Dieu. Qui, pour nous autres, va être spirituel et qui va finalement devenir matériel au retour du Seigneur. Un royaume. Mais vous savez, ce n'est pas moins un royaume à cause que c'est spirituel. C'est autant un royaume que si c'était physique aussi. Là. Donc, pour nous autres, on va vivre là-dedans, on va tranquillement se présenter devant ce roi-là, on va essayer d'écouter comment est-ce qu'il veut, comment est-ce qu'il veut diriger ce royaume, quelle sorte de royaume, qu'est-ce qu'il veut faire avec ce royaume-là, quelles sont les règles, les lois de ce royaume-là dans lequel on va vivre, qu'on vit présentement en tant que chrétien. Mais juste avant d'en rentrer là-dedans, c'est celui qui a écrit l'Évangile, c'est l'Évangile de Matthieu. Mais si vous lisez l'Évangile de Matthieu, il n'est pas signé. Les évangiles ne sont pas signés nulle part. Hein. Vous ne lisez pas un évangile, puis c'est marqué en bas. Moi, Luc, j'ai étudié, j'ai écrit ça. Moi, Matthieu, j'ai écrit ça. C'est pas marqué nulle part. C'est la tradition qui fait que c'est Matthieu qui est marqué en haut. Quand Matthieu a envoyé son évangile, les gens s'amenaient, puis ça s'est perpétué comme ça. Ça, c'est l'évangile de Matthieu. Et quand on retourne à peu près 100, 150 ans après Jésus, les premiers pères de l'Église, dont on a les écrits, disent que l'évangile, c'était l'évangile de Matthieu. Donc, on va prendre pour acquis que c'était l'évangile de Matthieu. Hein? On prend ça pour acquis. Je ne vais pas vous donner toutes les preuves archéologiques et tout ce que vous voulez pour cela. Le mot Matthieu veut dire quoi? Les noms ont un sens dans la Bible. Le mot Matthieu veut dire quoi? Ça veut dire don de l'Éternel. C'est un don de Dieu. Le mot Matthieu veut dire don de Dieu. Comme, je ne sais pas, Ézéchiel, non, Daniel veut dire Dieu juge. Il y avait des sens de même là-dedans. Qu'est-ce que vous savez de Matthieu, l'auteur de l'Évangile de Luc? Qu'est-ce que vous savez de lui? Allez-y, participez avec moi. C'est un péager, donc un publicain, un collecteur d'impôts. OK, c'était ça. Et pour lui, c'est intéressant que Dieu ait pris quelqu'un pour écrire l'Évangile de Matthieu qui était complètement révolutionnaire au système. c'est un anarchiste. Il était contre le peuple d'Israël, contre Dieu, puis il s'était vendu corps et âme à l'Empire romain pour faire de l'argent. Et Dieu prend ce gars-là pour écrire l'Évangile de Matthieu. Parler d'un nouveau roi. Et le sens de l'humour, des fois, le Seigneur. Qu'est-ce que vous savez donc de Matthieu? C'était un des apôtres. Oui, il a été choisi parmi les 12. D'autres choses que vous savez? Il y avait un autre nom. On l'appelle d'un autre nom dans la Bible. Lévi. Lévi, on l'appelle du nom de Lévi. Donc, quand vous voyez le mot Lévi, quand on va voir le mot Lévi, ça veut dire qu'il parle du même gars, Matthieu. Hein? Fils du tonnerre? Non. Non, c'est Jean et... André et Jacques. André et Jacques. Ou Jean ou Jacques. Jean et Jacques, un des deux. Quand Jésus l'a choisi, cet homme-là, pour le suivre, pour qu'il devienne son disciple, ça l'a fait un brouhaha épouvantable que Jésus a, en partie, Jésus a été détesté ou haï parce qu'il a pris dans sa gang des publicains et des gens de mauvaise vie. Ça n'a pas aidé à la réputation de Jésus qui a épris cet homme-là avec lui. Ça n'a pas aidé à la situation de Jésus. Il y a un verset qui dit, « Dis-moi, avec qui tu te tiens, je te dirai qui tu es. » Et Jésus, le fait qu'il se tenait avec des prostituées, des voleurs, des payagers, ça ne lui a pas donné une bonne réputation. Mais tout de même, il l'a pris. Content qu'il l'ait pris, parce qu'il nous a pris nous autres aussi, puis ça n'a pas aidé à sa réputation. On a une gang, nous autres aussi, de mal foutus en tant qu'être humain. Donc, c'est cet homme-là, c'est un homme qui était juif, un homme qui connaissait bien les Écritures de l'Ancien Testament, un homme qui avait rejeté le système, qui s'était tourné vers autre chose pour combler sa vie, pour s'enrichir, avait violé les rois, utilisé le mensonge, le vol pour s'enrichir. Vous avez un peu l'idée de Matthieu, comme si vous lisez la vie de Zachée, qui était un voleur, un publicain que tout le monde détestait. Matthieu, c'est la même chose. Puis Matthieu, je pense qu'il était chef des publicains, on va le voir, je pense, à une place. Il était comme en grade, il y avait peut-être des publicains sous lui. Peut-être lui qui a inventé le système pyramidal. Je ne sais jamais. Je suis content de voir que Dieu prend des hommes comme cela. Et va les utiliser pour se glorifier. Ça nous donne à nous autres beaucoup d'espoir que Dieu peut nous utiliser et se glorifier. Des gens comme nous autres aussi. Que peu importe notre passé, s'il devient notre roi, il peut nous utiliser pour se glorifier. Et je vais juste prendre une ligne ou deux pour expliquer que à qui il destinait ça, à qui a écrit son évangile. On n'a pas de mots écrits comme clairement dans un verset. Mais tout le monde est d'accord pour dire qu'il destinait son écrit à des Juifs. Et vous allez voir pourquoi je dis ça tout à l'heure. Il a donné son écrit à des Juifs parce que il va citer, c'est l'évangile de Matthieu qui cite le plus l'Ancien Testament. Donc, tu ne cites pas l'Ancien Testament à des gens qui ne connaissent pas l'Ancien Testament, ça ne sert à rien. C'est comme quand vous parlez des inconvertis, vous dites, la Bible dit! M'en fous-tu, moi, ce que la Bible dit? Ça n'a pas de pouvoir dans ma vie. La Bible, c'est rien pour moi. Le livre, c'est juste un autre livre comme le Coran. Ça n'a pas d'importance. Fait que quand on dit la Bible dit, pour les autres, ça ne veut rien dire. Ça n'a pas de pouvoir. Quand vous dites le Code civil dit, ça a quasiment plus de pouvoir dans leur vie. Vous dites, wow! Le Code civil, ça a un impact. C'est quoi? Puis ça gère ma vie, ça là. Si j'enfreins le Code civil, je vais payer des amendes. Je vais aller en prison peut-être même. Mais la Bible, ça n'a aucune autorité dans la majorité des vies autour de nous autres. Mais pour les Juifs, quand on parlait de l'Ancien Testament, ça avait une autorité dans leur vie. Ça avait une autorité. Quand on prend un catholique pratiquant, en général, ou vous prenez un témoin de Jéhovah, vous prenez un mormon, et vous dites la Bible dit, ça a une autorité dans leur vie. Pourquoi pour eux autres, autour de la Bible, a une certaine valeur? Et Matthieu va faire ressortir beaucoup de fois, est-ce qu'il va dire, ainsi s'accomplit les prophéties. Il va faire ressortir ça quasiment tous les chapitres. Vous allez être écœuré dans un homme à l'entendre. Il va dire ça à tout le temps. Il va démontrer que la promesse faite à David s'est accomplie en Jésus. Tu sais, quelle était la promesse faite à David? Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec les pères, j'élèverai ta postérité après toi et celui qui sortira de tes entrailles, j'affermerai son règne. Et ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom et j'affermerai pour toujours le trône de son royaume. Dieu dit ici à David, en commençant par Salomon, et tu vas établir un royaume qui ne va jamais avoir de fin à partir de ta maison. Jamais. Il ne va jamais s'arrêter ton royaume. Je te promets un royaume éternel. Quelqu'un qui va sortir de ta lignée familiale va un jour s'établir et va établir un royaume éternel. Un royaume éternel. Et c'est la prophétie que les Juifs ont le plus souvent parlé. C'est la prophétie du Messie qui s'en vient. Et Israël, tout touchait à ça. Dans leur vie, c'était leur espérance. C'était, qu'il y avait donc hâte que le Messie vienne. Parce que le Messie était pour leur donner un règne de paix et de prospérité. Il était pour tuer leurs ennemis. Il était pour les venger et les établir. En tout cas, j'ai parlé avec un rabbin juif à un moment donné, quand j'étais en Israël. Il m'a dit quand le Messie va venir, là, les autres l'attendent encore. Quand il va venir, il va nous débarrasser de tous nos ennemis et ça va être notre peuple qui va régner dans le monde. Et vous, l'espérance qu'il y avait? C'est ça, les Juifs. Ils attendaient la venue du Messie. C'est un roi. Ce roi-là, parce que si tu étais pour régner, tu es un roi, là, hein? C'est bien facile à comprendre. Et Matthieu, ce qu'il va faire, il va démontrer que Jésus est ce roi-là. Que Jésus, c'est le Messie qui devait venir pour établir le royaume de Dieu. Parce que les prophètes ont dit que le peuple serait déporté. Hein? On a vu, Isaïe a dit, vous allez être emmenés à Babylone, on va vous envoyer en Syrie, et ça va durer des siècles, cette déportation-là. Mais un jour vient. Si vous avez regardé un film de Jésus de Nazareth, si vous avez regardé les films qui parlent de Jésus, les Juifs sont toujours en train de se lamenter, puis ils veulent toujours que les Romains s'en aillent de là, parce qu'ils sont sous l'Empire romain. Ils voudraient bien s'en débarrasser et d'être autonomes, d'être leur propre boss, on pourrait dire comme ça. Alors, des fois, les plus spirituels vont dire que Dieu revienne avec eux autres, parce que pour un Juif, tant et aussi longtemps qu'il était sous la domination d'un autre peuple, c'est parce que Dieu les avait abandonnés. C'était une équation, ça, pour eux autres. On est encore en déportation, c'est parce que Dieu nous a abandonnés à cause de nos péchés. Mais quand Dieu les ramenait en Israël par le Messie, c'est parce que Dieu était revenu avec eux autres maintenant. Dieu était revenu parmi eux pour les bénir. Dans cet évangile, 25 fois à peu près, nous allons retrouver cette expression, Ainsi s'accomplit ce que le prophète avait dit. Ainsi s'accomplit ce que les Écritures avaient dit. Ainsi s'accomplit, ainsi s'accomplit. Comment peux-tu prouver que ce gars-là était le Messie? C'est qu'il a accompli des prophéties. Il ne peut pas être ne pas l'être parce qu'il a accompli toutes les prophéties. C'était la seule manière de démontrer que Jésus était le Messie. Donc, c'est pour ça qu'on va retrouver cette phrase qui va revenir constamment, chapitre après chapitre après chapitre. Matthieu va faire tous les événements qui vont nous parler, il va le relier à l'Ancien Testament. Voilà. Dès ce matin, on va voir ensemble. Ainsi s'accomplit la prophétie de la Vierge va enfanter. Il va commencer là. Il va aller jusqu'à la fin de son évangile. Il va convaincre les Juifs. C'est lui qui devait venir. C'est lui qui devait venir établir le royaume de Dieu. Environ 15 fois, on va parler du roi. Jésus va parler de lui comme étant le roi. 15 fois à peu près. 10 fois, on va l'appeler fils de David. C'est le seul évangile qui parle de ça, quasiment. Fils de David. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il soit fils de David pour être roi. Messie. Tu ne peux pas être le Messie sans être le fils de David. Impossible. Et 50 fois sur 25 chapitres, ou à peu près, c'est 2 fois par chapitre, ça c'est beaucoup. 50 fois, on va parler de l'arrivée du royaume de Dieu. Ça c'est clair. Je pense que c'est. Il nous dit qu'il veut parler du royaume de Dieu. Là. Quand vous faites une analyse d'un livre, demain, que 50 fois, il vous parle d'un jour, ben, il est tenté de vous parler du royaume de Dieu. Là. L'Apocalypse, 50 fois, il parle du trône de Dieu pour montrer que Dieu est en train de régner dans le monde. Ici, 50 fois, Jésus dit, va dire que le royaume de Dieu est arrivé, le royaume de Dieu est arrivé, le royaume de Dieu est arrivé, le royaume de Dieu est arrivé. 50 fois. Si le royaume de Dieu est arrivé, le roi est arrivé. Pas faire autrement. Donc, j'espère que vous allez jouir autant que moi de l'étude de ce livre et de voir tous les côtés encourageants et tous les côtés, tous les bénéfices qu'il y a d'avoir Jésus comme roi de nos vies et le roi du royaume dans lequel nous vivons, parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous vivons dans une monarchie. Nous croyons que notre démocratie gouvernementale est soumise à une monarchie plus haute que ça. Nous croyons ça. Fait que la monarchie, là, on est bien content qu'elle fait des bonnes décisions, mais quand elle nous entraîne dans le pétrin, on sait très bien qu'il y a une monarchie au-dessus qui va régler ça d'une journée ou l'autre. Ça ne nous enlève pas notre rôle envers la monarchie, la démocratie qu'elle a, mais on sait, nous, qu'il y a une monarchie par-dessus ça, qui contrôle la démocratie. Parce que la monarchie, elle est là, au-dessus de ça. Mais nous, on va parler plutôt de la monarchie que nous, volontairement, on est adhéré. OK? On ne fera pas vraiment peut-être tout le temps des liens avec la monarchie qui contrôle le monde dans lequel nous vivons, mais qu'est-ce que c'est que pour nous de vivre dans une monarchie? Et c'est qui notre roi? Parce que nous allons apprécier, nous allons aimer, nous allons désirer vivre dans une monarchie en autant plus que nous croyons, que nous nous confions, que nous aimons le roi. Ça va de pair ensemble. Plus nous aimons le roi, plus nous avons confiance au roi, plus nous allons aimer, plus nous allons nous soumettre avec de plein gré, avec joie à ce roi-là qui dirige nos vies, simplement. On va désirer qu'il dirige nos vies parce que c'est un roi parfait. Un roi parfait. Et ce matin, nous allons commencer à regarder la naissance du roi. La naissance du roi. Matthieu commence avec ça dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 1. Il va commencer par nous donner la naissance de ce roi-là. D'où est-ce qu'il vient, ce roi-là? C'est qui, ce roi-là, qui va établir le royaume de Dieu? Donc, il va, premièrement, donner la généalogie humaine, terrestre. Il va parler de ses ancêtres. Et vous avez tous, comme moi, lu l'Évangile de Matthieu, et c'est une gang de noms qui commence pendant 16 versets. Là, il y a beaucoup de chrétiens qui m'ont déjà dit, on saute par-dessus. On s'en va au verset 17, puis on dit, on est allé des lits, ces noms-là, on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais pour les Juifs, ça c'était primordial, c'était très important. Très important. Parce que tu ne pouvais pas être roi si tu n'étais pas de descendance de David. On va le lire quand même ce matin. Vous me pardonnerez, mes prononciations un peu spéciales des fois. Généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra Tamar, Pérez et Zara. Pérez engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Ozias. Ozias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Et Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azar. Azar engendra Sadoc. Sadoc engendra Akim. Akim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation de Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Donc, l'arrière-plan, une partie de son arrière-plan, c'est qu'il va commencer à partir d'Adam pour démontrer son enracinement juif. Okay, il vient du peuple d'Israël. Et là, il le fait passer par David et jusqu'à Joseph. La question, je me posais, mais qu'est-ce que ça donne de faire ça si Joseph n'est pas vraiment son père? Parce que juste après, dans les autres versions, on va voir qu'il n'est pas son père. Mais ça donne quoi? Je n'ai pas trouvé de réponse facile. Mais une chose est certaine, c'est que même si Joseph avait été son vrai père, il était de descendance royale. Joseph est né de David. Donc son fils, légitime ou moins légitime, est de descendance royale. Et ce que j'ai lu des fois, c'est qu'un enfant adoptif, il avait autant de droits qu'un enfant légal. Donc même si Jésus avait été un enfant adoptif, il aurait été de droit au trône parce que son père était de descendance royale. Et ce ne serait pas la seule fois que ça s'est passé dans l'histoire de l'humanité. Qu'on établit un enfant adopté à la place d'un enfant qui n'était pas adopté. C'est peut-être la raison pour laquelle on fait ça. Mais une chose est certaine, c'est qu'on va voir plus loin que Jésus, de par son père, il avait le droit d'être roi. Parce que son père était en ligne directe avec David. Mais ici, en parenthèse, comprenez bien que si vous allez étudier l'Ancien Testament, vous allez voir qu'il n'y a pas 3 fois 14 générations. Ça ne marche pas comme ça. Ici, c'est une façon de décrire la génération de Jésus. Mais si vous allez lire, vous allez voir qu'il y a des noms en ça qu'on nomme pas ici. Là. Ce que j'ai lu, puisque ça fait le plus de bon sens, quand tu voulais faire apprendre quelque chose à quelqu'un de façon par cœur, tu donnes des rimes. Souvenez qu'on apprend une chanson bien plus facilement qu'on apprend quelque chose de par cœur. En apprenant la chanson, et dans ce temps-là, on apprenait beaucoup de par cœur pour les généalogies, donc on nommait on nommait ça 7 par 7 par 7. Donc, c'était 14 ou des subdivisions de 7, ou des multiplications de 7. Et parce qu'une fois, j'avais fait la recherche, parce que j'avais étudié dans mes cours sur ça, et il me suis trouvé qu'il y avait des noms, ça, j'ai parlé de ça avec mon professeur, mais c'était la façon juive de faire les choses. On n'écrivait pas tous les noms. Même il y avait peut-être des femmes en ça, puis on nommait pas les femmes. Donc, il ne faut pas penser là, que c'est mathématiquement, il y a eu juste 21 générations, ou c'est dit, comment on dit? 14 générations. C'est pas tout à fait de même que ça se passe. C'est une façon de transmettre les données qui était plus facile à retenir. Ils avaient remarqué qu'à travers la généalogie de cela, il y a une descendance. Deux fois, il y a des païens à travers ça. Alors, vous avez vu Ruth. Ruth n'était pas juive. Ruth était Moabite, excusez. Donc, il n'a pas eu peur de les nommer, il les nomme quand même, ces gens-là qui ne sont pas des juifs. Parce que dans la lignée de Jésus, il y a eu des non-juifs. Okay? Même s'il va chercher là, il les a nommés comme étant David. Son arrière-grand-mère était Ruth. Et Ruth était une païenne. Mais elle est là quand même. Donc, ici, dans la descendance, il y a eu cette généalogie-là. Parce qu'il démontre, premièrement, il a eu le droit de s'établir comme roi parce que sa descendance est en ligne directe avec David. Pour nous autres, ça nous donne moins d'importance aujourd'hui, mais pour Jésus, pour Matthieu, de démontrer ça à David, ça nous donne une grande importance. Et nous autres, c'est important de savoir qu'il venait de David parce que la prophétie était faite à un descendant de David. Donc, si Jésus n'était pas un descendant de David, il n'avait pas droit à la prophétie. C'était un faux roi. Ce n'est pas un vrai roi. Ce n'est pas lui qu'on attend. Donc, ensuite, après avoir parlé de la généalogie, il va parler de ses parents. Au verset 18, « Voici donc de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ, Marie, sa mère, et était fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu de cet esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Et tout cela arriva afin que s'accomplisse, la première fois, hein, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point, parce qu'elle avait enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Son père adoptif, Joseph. On ne sait pas grand-chose de Joseph. Pas grand-chose de Joseph. On le voit quelquefois arriver, puis il disparaît dans la barque, on ne sait même pas ce qui arrive de lui. Mais il était un fils de David. C'est ce qui est important, c'est ce que Matthieu fait ressortir. Son père adoptif était... Puis il semble qu'il n'y a pas de problème pour l'ange non plus. Fils de David, tu donnes, descends. Cet enfant-là, ça va être, il est conçu de son esprit, mais ça ne semble pas faire de difficulté pour l'ange que David, Joseph n'est pas le vrai père de Jésus. Mais que ça va être ton fils, tu vas l'appeler Jésus, puis en tout cas, il continue. Donc, si ça ne fait pas de différence pour l'ange, ça ne devrait pas en faire pour nous, dans ce sens-là. Donc, peut-être notre manque de connaissance de la culture juive nous empêche de tout saisir, là, l'ampleur ou la subtilité du texte. Ça, c'est sa naissance humaine. Donc, Jésus était vraiment un humain qui venait de David, hein, qui venait de la lignée de David, donc il avait le droit au trône en Israël, il avait le roi d'Israël, et donc il avait le droit d'être le prophète ou le roi qui devait venir. C'est peut-être pas le seul, là, okay? C'est peut-être pas le seul descendant de David, là, hein, qui était en Israël à ce moment-là. Personnellement, je crois qu'il devait y avoir des centaines d'autres qui descendaient de David. Mais si ça avait été le seul critère, peut-être qu'il n'aurait pas été vu comme le Messie. Mais alors, il va en remplir des centaines de prophéties. Donc là, ça devient que si tu prends, mettons, tu marques les 25 noms, les 20 ou les 2000 noms des descendants de David à ce moment-là sur la terre, puis que tu commences à leur mettre toutes les prophéties, peut-être que ça va descendre juste à Jésus. Pas peut-être, ça va descendre juste à Jésus. Il y a seulement lui qui a accompli toutes les prophéties. Les autres ont été éliminés parce que ils ne sont peut-être pas venus à Bethléem, qu'on va voir, ils n'ont pas été ici, ils n'ont pas été ça. Donc, ça élimine ces gens-là. Naissance humaine du roi, son père Joseph, sa mère Marie et son arrière-grand-père David. Et arrière-grand-père encore plus, Adam. OK? Maintenant, on va voir le deuxième, c'est la naissance divine du roi. Il est un humain, mais on va voir qu'il y a quelque chose de plus qu'un humain. Parce que les prophéties de l'Ancien Testament qui parlent du Messie, ils parlent du Messie de façon tellement grande et tellement et merveilleuse que ça ne se peut pas qu'il y ait juste un homme qui fasse ça. Ça ne se peut pas qu'un homme accomplisse ce que qu'on a dit de ce roi-là dans l'Ancien Testament. Ça ne pouvait pas être de même. Donc, ici, Matthieu va commencer en disant que le roi promis à David devait être quelqu'un de spécial parce qu'il n'a pas pu accomplir les prophéties. Il dit quoi? Cet enfant-là a été conçu du Saint-Esprit. Il n'y a pas d'homme qui est intervenu dans sa naissance. Ouh! On s'est posé la question souvent. Est-ce qu'on m'a fait poser à l'école, tout le crois-tu encore, toi, que Marie a eu un enfant sans homme? Parce qu'à leur tête, c'est illogique, ça ne peut pas, là. C'est, la science est trop avancée pour ça aujourd'hui, t'sais. Mais ici, il dit que le fait qu'il n'y a pas eu de père qui est né, qu'est-ce qui nous prouve que Joseph n'avait pas à faire rien là-dedans, dans le texte? Qu'est-ce qui prouve que Joseph n'est pas le père? Il va la sacrer là, à bon Québécois. Il veut plus l'avoir comme femme. Parce que selon lui, elle l'a trompé, là. Parce que lui, tout dans sa tête, une femme enceinte, ça prend un homme à quelque part. S'il n'avait pas eu l'intervention divine d'un ange, il l'aurait probablement divorcé, entre guillemets. Parce que vous savez, dans la Bible, dans le temps de Joseph, fiancé, marié, c'était un engagement final. Tu étais fiancé à un homme, c'était final. Tu ne pouvais pas te séparer de ça. C'était comme un engagement était aussi fort que marié, c'était que tu ne couchais pas avec encore. Tu n'étais pas encore avec lui. Mais l'engagement était aussi fort à ce moment-là. Aujourd'hui, on donne des bagues de fiançailles, puis deux mois après, on les reprend. Tu sais. Oui. Si Joseph aurait pu aller à la porte de la ville et dénoncer Marie comme étant une femme enceinte, un adultère, et que lui n'était pas le mari, et il l'aurait lapidé, Marie. C'est pour ça qu'il voulait la rompre en secret, en silence, pour pas la diffamer, pour pas qu'elle soit tuée. Pour qu'on soit tuée. Je ne sais pas s'il l'aurait envoyé dans un couvent comme nos parents faisaient. Joke. Nos parents, ils ont fait ça souvent, hein? Il envoyait les filles dans un couvent quelque part pour avoir un bébé et revenir un an après, la vente plate, ça paraissait plus. Elle allait se promener sur mon oncle tel qu'elle restait loin. C'est ça qu'il voulait faire dans le fond, David. Se divorcer d'elle, se séparer d'elle en secret pour ne pas qu'elle soit tuée. Et la deuxième chose que David fait, qui demande, qui croyait que Jésus était quelqu'un de spécial, c'est quoi? Il ne touche pas sa femme jusqu'à temps qu'elle ait eu Jésus. Joseph ne touche pas sa femme jusqu'à temps qu'elle ait eu Jésus. Donc, il démontre ici qu'il croit qu'il n'est pas le Père, parce que qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui est le Père, qui est, c'est le Saint-Esprit. Il démontre qu'il croit à la parole de l'ange. Et il ne la connaît pas. C'est-à-dire qu'il n'a pas de relation sexuelle avec elle jusqu'à temps que Jésus vienne au monde. Parce que la prophétie parle qu'une vierge doit enfanter. Donc, si elle a eu des relations, elle n'est plus vierge. Donc, la preuve que Jésus n'a jamais eu de père physique, c'est que Joseph n'a jamais couché avec avant qu'elle soit mariée avec lui. Qu'elle soit avec lui, qu'ils vivent ensemble, jusqu'à temps qu'elle ait accouché de Jésus. Donc, cette réaction-là de Joseph nous dit que Jésus était quelque chose de spécial. C'était pas ça quelque chose de spécial ici. Et la deuxième chose qui nous donne une puissance divine, c'est qu'elle était conçue du Saint-Esprit. C'est que le Saint-Esprit est le père de cet enfant-là. C'est le Saint-Esprit qui est la personne de Dieu, qui est la puissance de Dieu, et le père de Jésus. Ça veut dire que Jésus a aussi une arrière-plan ou une nature divine. Si son Père, c'est Saint-Esprit de Dieu, c'est-à-dire que son Père, Dieu est son Père, et si Dieu est son Père, c'est que lui ici est divin, parce qu'on transmet notre nature. Naissance humaine, naissance divine. Alors, c'est ça, on va voir pendant une minute ou deux. Naissance salvatrice du roi. Donc, le roi a un rôle bien précis, c'est qu'il va sauver le monde. Ce roi-là, ça vient sauver le monde. Et son nom, c'est Jésus, qui veut dire quoi? Dieu sauve. Le mot Jésus veut dire Dieu sauve. Donc, son nom le disait maintenant déjà tout de suite qu'il était pour faire une œuvre de salut. Il ne vient pas sauver le monde de la souffrance matérielle, premièrement. Mais l'ange dit quoi? Il va sauver son peuple de ses péchés. Premièrement, et ultimement, de l'effet du péché, dans ce qu'il va faire un nouveau ciel, une nouvelle terre. Mais premièrement, il vient sauver son peuple de ses péchés. Et donc, il nous donne un indice que sorte de royaume il va établir. Ça va être un royaume spirituel. Un royaume spirituel. Parce qu'il va, il vient sauver les hommes spirituellement. Il va établir un royaume spirituel. Donc, puis il y a Marc-Québec qui vient sauver son peuple. Il ne vient pas sauver le monde ici. Il vient sauver son peuple. Ça nous en dit beaucoup. Ou ça nous donne un angle qu'il ne faut pas rejeter. Il vient sauver son peuple. C'est qui son peuple? On va le voir à s'en allant. C'est qui son peuple? Parce qu'il vient sauver son peuple. De ses péchés. De ses péchés. C'est un roi qui va agir spirituellement et délivrer le peuple de Dieu, ou son peuple à lui, parce que ça va devenir son peuple. Lui va être le roi de ce peuple-là et va le délivrer de son péché. Il dit, ainsi s'accomplit la prophétie. Donc, c'est un roi qui va accomplir la prophétie qui avait été faite à David. Avez-vous déjà été lire la prophétie dans Isaïe? Isaïe chapitre 7, verset 14. Si vous allez lire le chapitre 1 d'Isaïe jusqu'au chapitre 9, 10, puis vous lisez ça, un inconverti qui lit ça ne voit pas Jésus du tout là-dedans. Je suis convaincu 100%. Et même nous, quand on l'a lu, on a de la misère à appliquer ça à Jésus, la prophétie d'Isaïe, chapitre 7, verset 14. C'est pas facile, parce que Isaïe va faire une prophétie au roi. Hein? Le roi est en difficulté, ils sont en difficulté politique et difficulté de guerre. Puis il dit, le prophète dit, il fait des promesses que Dieu va délivrer le peuple. Il dit, demande un signe à Dieu pour te montrer que c'est vrai ce que prophétisé. Puis Isaïe est là, le roi, pas le roi, mais le roi Ahaz est là, non, je ne demande pas de signe à Dieu. Non. Il ne veut pas en demander un. Dieu dit, je m'en t'en donner un, moi. La jeune fille va enfanter et il fait la prophétie qui est ici. Là, tu dis, mais qu'est-ce que ça a rapport avec Jésus? Parce que la prophétie a été faite dans un contexte très, très précis. Donc, on va voir en s'en allant les autres semaines que des fois, les prophéties s'accomplissent en deux parties, des fois en trois parties. Parce que la plupart des théologiens croient qu'au temps d'Isaïe, il y a une jeune fille qui a enfanté. Parce comment est-ce qu'Isaïe a reçu que ce que Dieu avait dit s'était accompli? Si Isaïe parlait seulement de la venue de Jésus, ça n'avait aucun pouvoir, ça n'avait aucune capacité dans la vie du roi Ahaz, du peuple d'Israël. Donc, quand vous gardez dans cette semaine une prophétie qui est faite, des fois, la prophétie fait des comme une roche sur l'eau qui fait des ribandes, la prophétie va faire des ribandes. Elle va toucher Jésus à sa venue première, à sa venue deuxième. Des fois, elle va avoir trois ribandes. Elle a une prophétie au temps du prophète, au temps de Jésus, puis au temps de la venue de Jésus. Donc, elle fait des ribandes. Elle touche deux, trois périodes dans la vie de Jésus. C'est sûr qu'il y avait des prophéties faites au sujet de Jésus dans l'Ancien Testament. Les prophéties touchent une partie de la vie de Jésus quand il est venu la première fois, et la même prophétie va s'accomplir complètement dans la deuxième venue de Jésus. Donc, elle s'accomplit en deux shots. Des fois, elle s'accomplit en trois shots. Donc, la preuve, il dit que Isaïe ici, en tout cas, pas Isaïe, mais Matthieu fait référence à Isaïe, chapitre 7, verset 14, et il dit, c'est lui, la prophétie qui avait été faite par Isaïe s'accomplit en lui. Donc, c'est lui. Il avait dit que Dieu avait donné. Moi, je crois qu'il a fait Matthieu est allé chercher un signe de l'Ancien Testament, puis il fait un signe comme de quoi que Dieu intervient. Dieu dit dans Isaïe, au roi Ahaz, je vais te prouver que Dieu intervient, la jeune fille va enfanter. Ou la Vierge va enfanter. Puis il dit, de la même manière que Dieu a démontré qu'il était là, dans ce temps-là, par ce signe-là, de la même manière aujourd'hui, s'accomplit une prophétie, la Vierge va enfanter pour démontrer que Dieu est en train d'intervenir. Dieu est en train d'intervenir dans l'histoire du peuple d'Israël parce qu'il va donner une femme qui va enfanter sans homme. C'est un miracle de l'intervention divine. C'est comme ça que je l'interprète personnellement. Et il dit, il va s'appeler Emmanuel. Avez-vous déjà vu une place où Jésus s'appelle Emmanuel dans le Nouveau Testament? Avez-vous déjà vu, entendu quelqu'un dire dans le Nouveau Testament, « Hey, Emmanuel! » Je n'avais personne l'appeler Emmanuel, en tout cas qu'on l'a dans le Nouveau Testament. Pourtant, son nom sera Emmanuel. Lorsque vous interprétez ça, quand vous lisez votre Bible, tout ça chez vous. La Bible dit, tu des mensonges. Son nom sera Emmanuel. Sa signification du nom, il faut appliquer plus. Dieu avec nous. Et à plusieurs reprises, dans la vie de Jésus, pendant son 33 ans, les gens vont dire, oh, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous, à cause de ce Jésus-là. Parce que Nicodème va dire, on sait que Dieu est avec nous, on sait que Dieu est avec toi. Parce que les miracles que tu fais, tu ne pourras pas les faire si Dieu n'est pas avec toi. Donc, ils vont appliquer le sens du nom à le fait que Jésus va vivre sur la terre. Mais il ne sera jamais appelé Emmanuel comme tel pendant son vivant sur la terre. Parce qu'on a, nous autres, on n'est pas trouvé en tout cas de place. Si vous cherchez, si vous en trouvez, vous me direz. Ça vous fait plaisir de me retirer, de redire mes paroles, tout simplement, refaire mon parole. Donc, ce matin, on a vu ensemble que le prophète nous parle de la venue de Jésus, qui est un enfant roi, roi enfant humain, enfant divin. Il vient pour accomplir, établir un royaume spirituel, parce qu'il va sauver les gens, non pas de l'empire romain, mais de l'empire du péché. OK, c'est ça qu'il va faire. Et la preuve qu'il donne, c'est qu'il va être, le premier accomplissement, c'est qu'il accomplit la prophétie que la Vierge va enfanter. OK? Nous allons prier ensemble. Notre Père du ciel, nous te remercions que tu nous as envoyé un roi. Comment nous n'en avions besoin. Dans l'Ancien Testament, dans le temps des juges, tu as dit, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et sans Jésus dans notre vie, sans notre roi, l'être humain fait ce qui lui semblerait bon. Mais tu veux établir un royaume nouveau. Et c'est Jésus que tu as établi comme roi. Qui est né de Marie, qui est né de Joseph, son père adoptif. On te demande, Seigneur, que cet enseignement sur l'évangile de Matthieu puisse transformer nos vies, puisse nous apprendre à vivre sous une royauté de plus en plus, qu'on puisse être conscient que l'Église est un royaume, elle est le royaume de Dieu, et il règne sur nous. Que ton nom soit loué et glorifié dans nos vies. Au nom de Jésus, amen. On va chanter un dernier petit cantique, si vous voulez bien.